L'écoute et l'écho. Une émission en direct du studio radio de La Parole Errante. Une fois par mois. Bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct du tout récent studio de La Parole Errante pour le deuxième numéro de l'écoute et l'écho. Pendant 3 heures, de 18h à 21h, une fois par mois, l'idée est de traverser ce lieu qu'on appelle La Parole Errante. Nous nous proposons de donner vie à une forme de revue parlée, une revue qui ferait caisse de résonance à ce qui se passe dans le lieu et le traverse. L'écoute et l'écho, ce sera par exemple partir d'une assemblée de lutte, d'un concert ou d'une fête de soutien, d'une projection de film, d'une pièce de théâtre, d'un poème ou d'un tract, ou encore d'un collectif ou d'une réalité hébergée à La Parole Errante, et, à partir de là, d'enclencher des rencontres et des questionnements, d'interroger ce qui nous entoure. L'histoire de La Parole Errante est déjà longue. Rappelons juste qu'il y a 6 ans, le lieu a été menacé de fermeture et qu'un collectif s'est créé pour le défendre et le réinventer. Cette émission et ce studio radio sont un témoignage parmi d'autres de cette expérience collective qui se poursuit encore aujourd'hui, et on l'espère, pour longtemps. Et pour cette deuxième émission, parce que d'écriture il en sera beaucoup question, on commencera peut-être par se souvenir que La Parole Errante a d'abord été le nom d'un livre, écrit par Armand Gatti, puis d'un lieu plaçant au centre de ses préoccupations la question des écritures et des langages. Nous commencerons par une rencontre avec le collectif Les Agglomérés à l'occasion de la publication de leur livre d'anticipation féministe Subtil Béton. Pendant quelques jours, elles ont posé leur valise à La Parole Errante et y ont animé un atelier d'écriture. En deuxième partie, nous accueillerons Patricia Atsei des éditions Nous, Léa Weinstein et Stéphanie Béguin autour de la réédition récente des Lettres à Milena de Franz Kafka dans une nouvelle traduction. Nous ferons ensuite le tour de l'agenda pour les semaines à venir. Ce sera entre autres l'occasion d'accueillir Adrien du café librairie Michel Firk pour une chronique sur le Covid et les courants d'air. On recevra également un coup de fil de la part de celles et ceux qui préparent le futur salon anticolonial et antiraciste, et pas mal d'autres choses encore. Et pour finir, nous reprendrons, comme lors de notre émission Zéro il y a un mois, le fil des traces laissées par le voyage pour la vie des apatistes. Nous écouterons pour cela le montage d'un entretien réalisé avec l'écrivain Joanny Ockenghem en octobre dernier, pendant la présence des délégations apatistes en région parisienne. Il y sera notamment question des chroniques qu'il a régulièrement rédigées sur l'histoire du mouvement zapatiste depuis le Mexique, où il vit depuis une trentaine d'années. L'écoute et l'écho, donc. C'est parti! Bonjour à tout le monde. Comme l'a dit Pierre, il y a quelques jours, un atelier d'écriture a été proposé par le collectif Les Agglomérés, donc à La Parole Errante. Et l'idée était d'accompagner la présentation de leur livre Subtil Béton, paru aux éditions La Talente, d'un atelier d'écriture en non-mixité choisie afin de permettre aux participantes d'éprouver la pratique de l'écriture collective. Notamment parce que c'était la manière dont elles avaient écrit ce livre d'anticipation, donc qui est une œuvre collective et féministe. On va maintenant écouter un entretien avec le collectif qui a été réalisé il y a quelques jours, parce qu'elle ne pouvait pas être en studio avec nous ce soir. Et on vous propose de les écouter. Elles raconteront beaucoup mieux que nous l'objectif de leur livre. Bonjour le collectif Les Agglomérés, vous venez tout juste d'arriver en région parisienne pour une série de présentations et d'ateliers d'écriture autour du livre qui vient de paraître aux éditions La Talente et qui s'intitule Subtil béton. Aujourd'hui, on est à Montreuil, on est le 15 février 2022 et dans la chronologie des événements de Subtil béton, cela ferait 5 jours que la crise de Berlin aurait commencé et que la Franco aurait rompu ses relations diplomatiques avec l'Allemagne et le Royaume-Uni. On découvre dans les premières pages Mariana et Zoé, une énorme manifestation, La Franco, Beaulieu Libre, un quartier libéré, avec sa radio pirate. On est en novembre 2035. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on est arrivé à cette montée des eaux ? Oui, on est en 2035, 2036, dans un moment d'effervescence sociale, de ras-le-bol, de manif, avec plein de revendications, notamment autour des droits sociaux, parce que ça craque de partout, c'est difficile, et puis que l'ambiance, elle s'est quand même super dégradée depuis le début du siècle. Je ne sais pas si je dois répondre dans le réel ou la fiction sur comment on en arrive là. En tout cas, on fait remonter la chronologie au début des années 2000, et puis à l'accélération de tout un ensemble de logiques politiques et sociales qui convergent vers un régime de plus en plus autoritaire, de plus en plus protectionniste, de plus en plus nationaliste, de plus en plus contrôlant, de plus en plus raciste, toujours aussi capitaliste dans ses formes les plus pénibles. Et puis, on fait de l'anticipation, quoi. Donc on se retrouve à plein à imaginer, à écrire, à se projeter et à se dire qu'il va se passer quelque chose de l'ordre d'une montée de l'autoritarisme et d'une dégradation des conditions de vie qui mène au début de ce roman en 2035, 6, 7, un petit peu un coup d'œil à 36 en fait, à 1936, une tentative de sursaut, de changement, de rêve d'espoir avec Beaulieu Libre et plein d'autres endroits. Ça bouge dans tout le pays, qui s'appelle plus la France mais la Franco, comme tu l'as dit. Et puis ça c'est le début de l'histoire, parce qu'en fait cette manifestation, elle donne lieu, enfin ces manifestations, ce mouvement donne lieu à de grosses réactions de répression étatique, et le mouvement tourne à l'insurrection dans cette escalade de violence, et réprimée et dispersée. Ça c'est le début de l'histoire. Mariana. Je sors du cabinet de dentiste. L'entrée de l'immeuble est toute en marbre rose. Les plaques des prothésistes, pneumologues et autres charcuteurs sont bien astiquées, dorées à l'ancienne. Je m'assois sur les marches du perron. Je viens de lâcher 80 balles pour une consultation de 10 minutes où j'ai appris que j'avais besoin d'un dentier que je ne pourrais jamais me payer. Un dentier à mon âge. Les boules. Avec mon assurance, j'ai le droit de me faire arracher les dents. Ça, c'est remboursé. Les réparations, elles, ne le sont jamais. Mes heures de ménage en intérim payent à peine le loyer. Si je veux un dentier, il faut que j'arrête de me chauffer. Ou que j'arrête de manger. Mais dans ce cas-là, j'en ai rien à fiche d'avoir un dentier. Depuis un mois, je casse des petits bouts d'antidouleur que je fourre dans le trou de ma dent. Pour soulager le mal. Ça fait 5 ans que je n'ai pas croqué dans une pomme ou une carotte. Je pré-découpe et pré-mâche et ça donne un goût amer à tout. Je ne croque plus la vie. Voilà une belle métaphore. J'en ai ras-le-bol, comme tout le monde. Mais c'est comme ça. Faut pas se poser de questions. Et profiter de ce qui est profitable. Alors je me relève. des plumes en parapluie multicolore, au-dessus de mes cheveux orange et de mon ciré vert, pour affronter la bruine du mois de novembre. L'arrêt de transport urbain est bondé. Les gens ont l'air un peu paniqués. Ils consultent leur bloc connecté avec frénésie. Ça fait des petits bloups et des bolop bolop à tour de doigt. Oh, c'est pas possible. J'ai trop peur. Encore attendre. Évidemment, pas besoin d'être surtechnologisé pour être au courant. La vitrine de l'abribus clignote. En raison d'un mouvement de protestation illégal, les réseaux TCGU seront perturbés le 4 novembre à partir de 14h30. La situation est sous contrôle. Un mouvement de protestation illégale. Jolie manière de parler des manifs. Les infos parlent à peine des blocages, mais se répandent sur les mesures et le retour au calme. Et voilà, il n'y a plus qu'à marcher pour trouver une ligne de bus périphérique qui fonctionne. Des camionnettes de faux pubs me doublent. Je viens au moins de perdre 4 points d'audition avec leur son. Elles tournent en direction de la gare. Je continue par les petites rues. Je n'aime pas cette ambiance, quand la vie me se fait à moi. Heureusement que j'habite loin du centre. Même si je fais 2 heures de transport pour aller bosser. Même si j'ai l'impression de me momifier dans cette chambre minuscule avec Ray qui déprime à moitié en jouant à ses jeux débiles. Avec sa face toute palichonne, hypnotisée par l'écran. Ce mec me rassure comme une routine et me fatigue comme une angine. Il croit que tout lui est dû. Quel bonhomme pénible. Avance la vieille, tu vois pas que tu gênes. La vieille? Mais je suis pas vieille. C'est quoi cette journée de merde? D'abord le dentier et puis maintenant je suis vieille. Alors ça y est, j'ai passé cette limite invisible qui me range dans la case des inutiles. Je n'ai que 57 ans, bon sang. Je suis encore à 14 ans de la retraite. Vite, on court par là, vite, à droite, ils arrivent. Courez, vite. Au moment où je débouche sur la rue des Poissonniers, un tas de gens déferlent de partout. Et je me colle au mur pour les voir défiler sans me faire pétiner. Ils marchent à toute vitesse, à moitié cagoulés, tout en noir. Merde, me voilà prise dans un groupe de vandales. Comment je me sors de ce pétrin? Qu'est-ce que vous faites là sans bouger, madame? Vous êtes qui, madame? Mais je suis une madame qui fait la madame, ça vous dérange? Mais faut pas risquer des rires qui ramassent tout le monde. Ils ne font pas la différence entre les madames de la manif et les madames qui font les madames. Plein de flics? Mais oui, c'est ça, les flics, c'est le mot. Ça résonne comme un bon souvenir des années 10. Il n'y a plus de faux plus qui tiennent. Flics, flics, flics, flics, flics. Et voilà que cette encapuchonnée me saisit le bras et m'entraîne. Je me laisse embarquer, décaler par la petite foule, avec mon parapluie multicolore. Ah, c'est peut-être ça, être vieille. Avoir un parapluie multicolore et les cheveux au vent, plutôt qu'une capuche noire. Le livre est en plusieurs chapitres chronologiques. On y découvre plusieurs personnages, un peu, on peut appeler ça une espèce de roman en chorale. Est-ce que, justement, vous pouvez nous dire un peu plus entre ce roman choral et la manière, justement, dont vous avez écrit ce livre? Eh bien, le livre, il a été écrit collectivement. Et souvent, les livres collectifs, qui sont des romans chorales, une auteurice écrit un ou une personnage. Et c'est pas le cas ici. On a tout écrit ensemble. Et il n'y a aucun personnage qui est... Enfin, à des moments, on se reconnaît plus personnellement dans un personnage ou un autre. On a des attachements divers, mais un personnage n'est pas relié à une autrice. Et peut-être pour raconter vite fait comment ce rapport à l'écriture, c'est notre manière d'écrire collectivement. Des fois, quand on dit comme ça, écriture collective, les gens imaginent qu'on négocie chaque mot, qu'on discute ensemble. OK, qu'est-ce qu'on écrit, nanana, et ça semble très pénible comme écriture. Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. On a eu une manière d'écrire où on écrivait comme par couches successives. C'est-à-dire, il y avait par exemple un premier texte très court, très rapide qui était écrit. Et puis ensuite, une personne utilisait ce texte, une autre personne utilisait ce petit texte très court, très rapide pour écrire un nouveau texte plus long. Et puis, en écrivant la suite, en écrivant ce qui s'est passé avant ou en changeant l'histoire. Et puis ensuite, ce nouveau texte s'était utilisé comme source d'inspiration pour écrire un troisième texte, qui a été utilisé comme source d'inspiration pour écrire un quatrième texte. Et comme ça, petit à petit, on crée des textes où on ne sait plus à qui appartiennent les mots, on ne sait pas exactement qui a écrit quoi. Vraiment, il y a un truc où ça se mélange, les écritures de tout le monde. Formellement, ça veut dire que vous vous retrouviez physiquement à des endroits, et comment le groupe de départ, s'il y en a un, se forme et comment il va changer peut-être au fur et à mesure des années, quoi. Ouais, effectivement, y a un univers politique, romanesque, extrêmement dense autour de ce livre, mais il y a d'abord l'idée de, avant d'écrire une histoire, de se retrouver autour de la pratique de l'écriture et de se retrouver en mixité choisie, sans mec cis, dans un endroit à Dijon, qui est l'espace autogéré des tanneries, qui était donc à l'époque, en 2007, un lieu très marqué par une très forte présence, un activisme très masculin, énormément de mecs, les filles qui se retrouvent toujours dans ces contextes-là assez isolées et dans des imbrications dans lesquelles elles sont pas forcément à l'aise. Et du coup, c'est parti de l'idée d'essayer de créer de la solidarité féministe dans ce lieu et créer des espaces-temps qui allaient permettre de favoriser ces solidarités-là et autour de la pratique de l'écriture. Et donc, ça consistait d'abord dans le fait de se retrouver pendant quelques jours jusqu'à une semaine, 3 à 4 fois par an au début. Enfin, d'abord de se retrouver une première fois pour pratiquer l'écriture, faire des exercices et aussi réfléchir autour de thématiques très liées à nos modes de vie et à nos pratiques qui sont celles de vivre collectivement et d'être dans pas mal de mouvements de lutte. Et aussi se dire que ça pouvait aussi permettre de créer une forme de rapport de force et d'existence du féminisme au sein de cette bande de mecs. Et donc c'est d'abord partir de là avant de partir de l'envie de créer une histoire et un univers romanesque. On s'était même plutôt dit que rien de ce qu'on écrirait ne serait partagé en dehors de notre cercle. C'était vraiment un prétexte, c'était une manière de discuter et de réfléchir en fait. L'atelier d'écriture, c'était un dispositif de partage de réflexion au même titre que de discuter à bâton rompu ou faire une balade et marcher en discutant deux par deux. Enfin, c'était un peu... ça faisait partie de la mallette de, je sais pas, d'outils, de formes qu'on a explorées ensemble pour aussi apprendre à se connaître. Et puis, au milieu de tout ça, les ateliers d'écriture ont pris de plus en plus de place. Et un jour, on fait un atelier d'écriture avec une personne qui est invitée, quoi, qui écrit un texte où il y a un univers qui nous fascine un peu. Ça se passe dans une ville portuaire. Et puis, il y a un autre texte où il y a une gare. Et on se dit, on pourrait réécrire tous ces textes. Et dans tous les textes, au moment de la réécriture, il faut que, donc dans les nouveaux textes qu'on va produire à partir des textes qu'on a écrits, il faut qu'il y ait, que ça se passe dans cette ville portuaire sinistrée. Qui est cette gare qui existe, immense et froide, et puis des poissons. Et on écrit des textes, on se les lit, et là on se dit « Ah, mais c'est incroyable, en fait, c'est des personnages, ils se connaissent, ou alors ils vont se rencontrer, et puis ça se passe dans la même ville, et ça va être un roman !» Et c'est comme ça qu'il est arrivé, ce roman, avec ces différents personnages. Are you fucking kidding me? Donc c'est une fiction, et particulièrement c'est une fiction féministe. C'est quoi qui fait qu'une fiction, est une écriture est une écriture féministe? Ben, certainement, ce qui marque du féminisme dans cette fiction, c'est déjà le point de départ. On s'est retrouvé dans un objectif féministe de... pouvoir se retrouver dans un espace où on avait de plus en plus de mal à aller créer du rapport de force dans cet espace, travailler ces questions-là. La première question qu'on s'est posée à la première rencontre où on s'est retrouvé en 2007, c'était comment on a rencontré le féminisme dans nos vies. Et puis c'est de là qu'a émergé des tonnes d'envies de discussion. On se disait il faudrait vraiment qu'on discute de ça ensemble à un moment. Donc j'imagine que ça a vraiment marqué ce roman, le processus, quoi. Qu'est-ce qui nous a amené à nous retrouver ensemble? Je suppose la mixité, le fait de se retrouver sans Gassi, ça a participé. Est-ce qu'on peut avoir une écriture autre que féministe quand on est féministe? Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'on a expérimenté des choses autour du féminisme. Déjà, on a fait des choix de pas avoir certains personnages principaux, de pas avoir certains narrateurs. Par exemple, voilà, qu'il y a très très peu de textes écrits par des gars cis hétéros. Dans les narrateurs de l'histoire, enfin il n'y a qu'un seul narrateur à un moment et qui est un gars cis et il est très minoritaire, quoi. Et puis il y a les choix autour de la démasculinisation de la langue ou de du langage inclusif, c'est-à-dire que on a fait le choix que nos personnages soient féministes, que la plupart de nos personnages soient féministes ou impactés par le féminisme, et du coup dans leur écriture cherchent des moyens de démasculiniser la langue, que le masculin ne l'emporte pas. Et on a choisi d'expérimenter autour de ça et qu'il n'y ait pas qu'une seule manière d'avoir une écriture inclusive. Donc ça marque aussi le texte, quoi, par exemple. Moi, je peux te donner quelques autres éléments sur ce que moi, j'ai tendance à associer à ce qui serait des écritures féministes. Il y a une certaine manière de considérer que les questions de quotidien et d'intimité, elles sont intéressantes en tant que telles. Et du coup, qu'elles valent le coup de récits et de vrais récits. Et on a assez accroché sur un texte qui a été écrit dans les années 80 par Ursula Le Guin, qui s'appelle « La théorie de la fiction panier », qui vient dire à ce moment-là, qu'elle pense vraiment qu'il faut qu'on réinvente de nouvelles manières de faire de la fiction, de raconter des histoires, de tirer des fils narratifs, qui ne s'appuient pas uniquement sur les héros et les grandes quêtes, mais sur d'autres choses qui sont très négligées, justement dans une certaine quotidienneté. Et comment est-ce qu'on les rend captivantes? Du coup, il ne s'agit pas de faire des récits qui soient modestes en soi, mais qui vont venir souligner l'intensité et l'intérêt de plein de choses qui, dans notre culture dominante, marquée par le patriarcat, sont négligées et ont pour conséquence aussi une dévalorisation dans la vraie vie. Du travail domestique, des émotions, enfin de tout un ensemble de choses qui sont associées au féminin, alors qu'on les partage toutes et tous. Et du coup, moi je pense que ouais, il y a une certaine manière de faire, de raconter des histoires qui vient réinscrire tout un ensemble de choses dans ce qui est captivant, ce qui peut l'être, ce qui est racontable et ce qui peut fabriquer des intrigues. Voilà, et des choses qui valent la peine d'être racontées, autre que d'aller tuer le mammouth une fois tous les 3 ans, ou de sauver l'humanité en menant l'armée en haut de la montagne, quoi. Et voilà, du coup, ça, je pense que ça nous a beaucoup inspiré, et on peut quand même dire qu'on est plusieurs dans ce groupe à lire beaucoup de science-fiction et beaucoup de science-fiction féministe, et à vraiment aimer ça. Et du coup, à aussi s'appuyer beaucoup là-dessus pour se demander quel type de texte on aime ou pas, quelles histoires on trouve chouette à raconter. Et notamment, entre, pour citer deux autrices comme ça, mais entre Ursula Le Guin et Becky Chambers, je sais pas moi, et Octavia Butler, pour ce truc d'avoir en commun, de raconter, pas uniquement... des histoires de grands héros qui remontent le vent pour aller sauver l'humanité. De comment on a des gestes les uns envers les autres au quotidien et comment il y a de la tension et de la contradiction et des enjeux dramatiques à des moments et comment on s'en sort ou pas. Voilà. Moi, je dirais que ça fait partie des littératures féministes, en tout cas. Merci beaucoup. Le collectif Les Agglomérés. Et vous pouvez trouver toutes les infos sur notre tournée qui va durer toute l'année 2022 par séquence. On ne va pas tout le temps être en tournée, mais par séquence de 10-12 jours dans différentes régions. Et les infos sont sur le site internet subtilbéton en un seul mot, .org. Voilà, pour nous suivre, nous rencontrer, nous inviter et grappiller quelques infos supplémentaires sur le livre, si vous voulez. Il y a des scans de quelques dessins, de quelques plans, des chapitres qu'on a coupés, des premiers jets pour voir qu'est-ce qui a évolué entre les premiers textes et les suivants. Tout un ensemble de choses. Merci de l'invitation, en tout cas. Merci. Merci à vous. It's our darkest hour in our forest home. You climbed my heart and you came alone. It's a perfect world. I'm the perfect girl. You're the nightmare, and I'm the dream. It's a perfect world. I'm the perfect girl. Perfect world. perfect world. Shut up.